le sablier du temps, les secondes s'égrènent, les souvenirs passés laissent une empreinte indélébile. La peur se glisse tel un voile sombre et froid, mais tout au creux de nos cœurs, l'espoir se déploie. Le sablier du temps nous rappelle notre fragilité. Mais ensemble nous trouverons la force de surmonter. Les souvenirs douloureux deviendront des leçons. Et dans la tristesse, nous trouverons notre raison. Les heures s'écoulent et la peur se fait sentir, mais nous puisons en nous la volonté de grandir. Les souvenirs tristes tissent notre histoire, mais ils ne définissent pas notre destinée noire. Le sablier du temps nous rappelle notre fragilité. Et ensemble nous trouverons la force de surmonter. Les souvenirs douloureux deviendront des leçons. Et dans la tristesse, nous trouverons notre raison.